Job chapitre 11. Alors Tsophar, Naamathite, prit la parole, et dit, « Ne répondra-t-on point à tant de discours, et ne faudra-t-il qu'être un grand parleur, pour être justifié? Tes menteries feront-elles taire les gens? Et quand tu te seras moqué, n'y aura-t-il personne qui te fasse honte? Car tu as dit, « Ma doctrine est pure, et je suis net devant tes yeux. » Mais certainement il serait à souhaiter que Dieu parlât, et qu'il ouvrît ses lèvres pour disputer avec toi. Car il te déclarerait les secrets de la sagesse, savoir, qu'il devrait redoubler la conduite qu'il tient envers toi. Sache donc que Dieu exige de toi beaucoup moins que ton iniquité ne mérite. Trouveras-tu le fond en Dieu en le sondant? Connaîtras-tu parfaitement le Tout-Puissant? Ce sont les hauteurs des cieux, qui feras-tu? C'est une chose plus profonde que les abîmes, qui connaîtras-tu? Son étendue est plus longue que la terre, et plus large que la mer. S'il remue, et qu'il resserre, ou qu'il rassemble, qu'il en détournera? Car il connaît les hommes perfides, et ayant vu l'oppression, n'y prendra-t-il pas garde? Mais l'homme vide de sens devient intelligent, quoique l'homme naisse comme un ânon sauvage. Si tu disposes ton cœur, et que tu étends tes mains vers lui. Si tu éloignes de toi l'iniquité qui est en ta main, et si tu ne permets point que la méchanceté habite dans tes tentes, alors certainement tu pourras élever ton visage, comme étant sans tache, tu seras ferme, et tu ne craindras rien. Tu oublieras tes travaux, et tu ne t'en souviendras pas plus que des eaux qui se sont écoulées. Et le temps de ta vie se haussera plus qu'au midi, tu resplendiras, et seras comme le matin même. Tu seras plein de confiance, parce qu'il y aura de l'espérance pour toi, tu creuseras, et tu reposeras sûrement. Tu te coucheras, et il n'y aura personne qui t'épouvante, et plusieurs rechercheront ta bienveillance. Mais les yeux des méchants seront consumés, il n'y aura point d'asile pour eux, et leur attente sera de rendre l'âme.